إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue toujours encore dans le chapitre 20 et aujourd'hui c'est le cours 64 et on explique le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc, on expliquait le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid, yuhadziru ma sana'u, walau la dhalik, ubriza qabruh, ghayr annahu khashya an yuttakhada masjidan. » Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont construit sur leur lieu d'adoration, sur les tombes de leurs prophètes et où les endroits où les hommes pieux avaient été enterrés, ils ont construit des mosquées et des lieux d'adoration par-dessus. Et donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a averti sa ummah pour pas que sa tombe soit, qu'on construit sur sa tombe quelque chose, il y a un lieu d'adoration ou quelque chose de ce genre. Et ça, il a dit ça parce qu'il craignait justement que sa umma tombe dans une erreur qui est semblable à celle des peuples qui ont vécu avant, comme les juifs et les chrétiens. Et donc, c'était pour avertir, comme j'ai dit. Et hier, on a expliqué le début de ce hadith. Puis là, on avait expliqué que l'importance de l'aqida, c'est fondamental dans l'islam. Et que si l'aqida est pas bon, si les gens n'ont pas appliqué le tawhid comme il faut, peu importe quelles autres actions qu'ils font de bien, et peu importe quelle chose de mal ils abandonnent comme péché, ça ne leur servira à rien au jugement dernier, tant qu'ils n'ont pas établi le tawhid. Donc le cheikh il dit « هذا هو صميم الدعاء » هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم للتحذير منه كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك فهذا أمر عظيم وقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله واليهود الأمة المغضوب عليها والنصارى الأمة الضالة كما قال تعالى في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلمه والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم بل بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم. نعم. Donc le cheikh il dit que les gens qui appellent à l'islam, qui veulent faire la da'wa, qui veulent appeler inviter les gens à l'islam, que ce soit l'invitation des non-musulmans à entrer dans l'islam ou l'invitation des musulmans qui sont dans l'islam à entrer plus en profondeur dans l'islam, eh ben ces du'at-là, ils doivent se concentrer sur la base de l'islam qui est le tawhid et la base de l'islam et l'aqida. Ils doivent se concentrer là-dessus. Et c'est à ça que les messagers ont appelé. Du premier au dernier, ils ont tous averti leur peuple contre le shirk. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tous les messagers ont dit à leur peuple, adorez Allah et n'associez rien avec lui dans l'adoration. Abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Parce que l'adoration ne sert à rien si tu fais quelque chose qui a rapport avec le shirk. Tu peux adorer comme tu veux, faire des prières, des jeûnes, qiyam al-layl, jihad, n'importe quelle forme d'adoration que tu peux faire, talabul ilm, mais si tu fais le shirk en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala ne va rien accepter de tes actions. Ok? Et même si tu t'écartes de tous les péchés du monde, mais tu commets le shirk, eh bien ça ne va pas te préserver de rien contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh, il mentionne par la suite le reste du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens. Il dit que la signification du mot al-la'na dans la langue arabe, ça signifie at-tardu wa al-ib'ad min rahmatillah, c'est-à-dire de se faire renvoyer ou bien de se faire éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les juifs, c'est la nation contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est en colère. Et les chrétiens, c'est la umma ou la nation qui est égarée. Comme on le récite dans chaque raka, dans notre prière, quand on récite surat al-Fatiha, on dit « غير المغضوب عليهم ولا الضالين ». On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger ou de nous écarter de la voix des gens qui, contre qui il est en colère, et la voix de ceux qui se sont égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les gens contre qui Allah est en colère, ce sont les juifs, et ceux qui leur ressemblent et qui les suivent, même parmi ceux qui se disent musulmans aujourd'hui ou qui sont musulmans, qui les suivent dans leur manière ou dans leur voie, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de l'islam mais qu'ils ne l'appliquent pas. Ceux-là ressemblent aux juifs parce que ils ont la connaissance mais ils ne l'appliquent pas. Donc Allah est en colère contre eux à cause de ça. Et voilà, ad-dallin, c'est-à-dire les chrétiens, sont ad-dalloun, sont les égarés, parce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala mais sans connaissance. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec des innovations et des inventions et des superstitions. Donc les chrétiens sont les égarés et tous ceux qui leur ressemblent et qui les suivent dans cet exemple-là, même si ce ne sont pas des chrétiens, même si ce sont des gens qui appartiennent à la umma de l'islam et qui ressemblent et qui suivent l'exemple des chrétiens, ils font partie des balloun. Et ad-balal, c'est un degré, okay, il y a des degrés de balal, c'est pas tout le monde qui sont au même degré de balal. Il y a par exemple, comme on dit, la guidance, al-hidayah, elle est en degré aussi. Pas tout le monde qui sont au même degré de hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, il dit par exemple وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Donc ça veut dire ceux qui ont été guidés, Allah les augmente en guidance. Donc quelqu'un peut être guidé puis augmenté en guidance. Sinon pourquoi dans chaque raka on demande à Allah اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Si on est déjà musulman, pourquoi on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin? C'est parce qu'on a besoin d'augmenter notre guidance, on a besoin d'augmenter notre connaissance et notre application de cette connaissance-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on continue à demander de la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, le shaykh, il dit, pourquoi, la suite du hadith, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction sur les juifs et les chrétiens? C'est parce que il dit اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني امكنة للعبادة او امكنة للعبادة يصلون عندها ويدعون الله عندها ظنا منهم ان العبادة عند القبور افضل من العبادة في الامكنة الاخرى مع ان العبادة عند القبور لا تجوز لانها وسيلة الى الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا اي أن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى لئلا يفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. فالذي حمله على هذا التحذير أو على هذا تحذير الأمة لأن لا تعمل هذا العمل فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبنى عليها إذا بني عليها فالأمر أشد وإذا لم يبنى عليها وصلى عندها ودعا عندها فكذلك هذا من اتخاذ مساجد أو اتخاذها مساجد كما يأتي الشيخ يقول donc que de prendre les tombes des prophètes comme des lieux de prière ou comme des mosquées ou des masajid, c'est-à-dire de les prendre comme des lieux pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour faire des du'as ou faire la salat ou des choses de ce genre qui ont rapport avec l'ibadah. Ok? Et tu penses que, ou tu crois que, yani, d'adorer près des tombes ou autour des tombes, ça a une, disons, ça a un mérite particulier. Hein, que c'est meilleur de prier à cet endroit-là que de prier à un autre endroit où il n'y a pas de tombe. Donc tu donnes une préférence et un mérite aux tombes pour faire tes actes d'adoration. Alors qu'en réalité, c'est interdit d'aller vers les tombes pour faire des actes d'adoration. Parce que c'est un moyen qui amène les gens à tomber dans l'idolâtrie et dans le shirk. Donc, le cheikh, il cite par la suite, il dit que Aïcha, radiallahu anha, a expliqué à la suite de ce hadith-là, elle dit, يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا, c'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, alors qu'il était à quelques jours avant sa mort, et qu'il craignait pour sa umma, Aïcha a dit, il avertit contre ce que les juifs et les chrétiens ont fait. Hein? C'est-à-dire que ce qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire ces paroles-là, dans ce moment difficile-là, où il est dans la maladie et avant la mort, c'est qu'il craignait que les musulmans fassent la même chose que les chrétiens et les juifs, avec la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour éviter que les musulmans tombent dans cette même erreur-là, il les avertit. Ok? Et, donc c'est ça. Voilà tout à fait. Donc, pour pas que les tombes deviennent des mosquées ou des lieux d'adoration. Peu importe que les gens aillent adorer, Allah près des tombes sur lesquelles il y a eu une construction ou qu'il n'y ait pas de construction dessus, c'est pas grave. C'est-à-dire, même si une tombe n'a pas un dôme, ou une oratoire ou un mausolée construit dessus, ou une mosquée construite par-dessus, c'est quand même haram d'aller adorer à cet endroit-là, même si c'est juste un cimetière sans aucune construction. D'accord? Le fait d'aller dans ces endroits-là où il y a des morts, où les gens ont été enterrés, pour prier, en croyant que ça a un mérite, donc juste ça fait que c'est pas permis de le faire. D'accord. Et donc, s'il y a eu une construction qui a été construite par-dessus la tombe, donc dans ce cas-là, c'est encore plus grave que s'il n'y en avait pas. Mais même s'il n'y en a pas, d'y aller pour prier ou pour faire des du'as, c'est haram. Et ça fait partie de prendre une tombe comme un lieu d'adoration. ولولا ذلك, لولا الخوف من أن يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل أبرز قبره أي لدفن في مكان بارز يراه الناس ولكنه خشي بالفتح أو خشي بالضم أن يتخذ قبره أو أن يتخذ قبره مسجدا يعني مكان صلاة ودعاء كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم فقطعا لهذه الذريعة وسدا لهذا الباب دفن في بيته في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف لا يراه أحد الشيخ الزي que si il n'avait pas craint que les gens allaient prendre sa tombe comme un lieu de prière, comme cela a été fait pour les prophètes de Bani Israël, eh bien, les gens aurait, les Sahaba auraient enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit ouvert où les gens pouvaient le voir facilement. Toutefois, il a craint, on a eu peur que les gens prennent sa tombe comme un lieu d'adoration, que ce soit un endroit pour prier, faire la salat ou faire des doigts, alors, on a enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de Aïcha, radiallahu anha, entouré des murs et par un toit, pour que personne ne le voie, personne ne puisse voir sa tombe. D'accord? Donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Le cheikh dit « وَلَا يَزَالُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي صِيَانَةٍ وَأَمَانَةٍ فَلَا يَزَالُ فِي بَيْتِهِ صلى الله عليه وسلم محاطا بالجدران لا يراه أحد صيانة لقبره أن يفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع قال ابن القيم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغترت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان فدل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها والدعاء عندها. Le cheikh dit donc, jusqu'à maintenant, alhamdulillah, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégée, elle est encore dans la maison de Aïcha, entourée par les murs, personne ne peut la voir, et elle est protégée donc contre les gestes et les actions des gens de Bani Israël et des chrétiens et des juifs qui ont pris la tombe de leur prophète comme des lieux d'adoration. D'accord? Donc ça c'est la hikmah, c'est la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison. Et pourquoi on ne l'a pas enterré dans Al-Baqi', dans le cimetière avec les autres, parmi les autres sahaba, pour éviter ça. Et il cite quelques vers dans le poème de l'imam Ibn al-Qayyim dans Al-Nuniyah, et il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua, il a demandé à Allah de protéger sa tombe pour qu'elle ne devienne pas une idole. Rabbi la taj'al qabri wasalan yu'bad. Ou Allah fait que ma tombe ne devienne pas une idole que les gens adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, le Seigneur des mondes a répondu à son doigt et il l'a entouré par trois murs. Donc c'est pour le protéger contre les actions de ces gens-là. Après le chef, il dit donc ça prouve que c'est interdit d'exagérer et de construire des bâtiments ou des constructions sur les tombes et de faire des doigts à ces endroits-là. ويستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. Là maintenant le chef il va montrer les points bénéfiques qui peuvent être compris ou extraits de ce hadith-là. المسألة الأولى تحريم البناء على القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأن الله عز وجل لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل لأن القبر إذا بني عليه بنية أو جعل عليه ستائر وزخرفة أو زخرفة فإن العوام والجهال يفتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأنه أو إلا لأن فيه سرا وأنه محل للعبادة والدعاء وطلب الحاجات كما هو الواقع ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه ويرفع عن الأرض قبر شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ولا يبنى عليه شيء. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبور الصحابة من في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يبنى عليها بنية ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تجصص، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشرك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة أو المشرفة. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها، أما إذا بني عليها أو على بعضها وجسس وزخرف نعم فإن الناس سينصرفون إليه ولا بد. Donc le premier point qu'on peut extraire de ce hadith et qu'on peut comprendre de ce hadith, c'est l'interdiction de construire quoi que ce soit sur une tombe, comme bâtiment ou autre. Ça c'est strictement interdit dans l'islam. Parce que c'est un moyen qui, ou c'est quelque chose qui amène les gens à tomber dans le shirk et de faire de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Parce que lorsqu'on a construit quelque chose sur la tombe, ou bien qu'on met sur la, autour de la tombe, ou du bâtiment dans lequel, du bâtiment qu'on a construit sur cette tombe, on peut, il y en a certains qui mettent des rideaux, hein, comme on fait par exemple pour la Kaaba, hein. La Kaaba c'est une mosquée, c'est pas une tombe. Il y en a certains qui s'imaginaient que la Kaaba c'est une tombe. La Kaaba c'est une mosquée, c'est un lieu d'adoration. Il y a personne qui est enterré en dessous, d'accord. Et il y en a qui ont mis des draps sur les murs de la Kaaba pour honorer la Kaaba. Mais il y en a qui font ça avec les tombes, avec les bâtiments ou les constructions qui ont été faites sur les tombes. Ils mettent dessus des rideaux pour l'embellir et pour l'honorer. Donc lorsque les gens font ça et que ces tombes-là sont embellies, alors les ignorants et les gens qui connaissent pas les détails de l'islam, ils sont souvent, ils ont une fitna quand ils voient ça, ils s'imaginent des choses. Ils s'imaginent que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que ces gens-là ont une particularité. C'est-à-dire, ils s'imaginent que, si on a construit ça sur la tombe de cette personne-là, c'est parce que probablement qu'il a quelque chose de particulier. Et donc, ils s'imaginent par la suite qu'ils peuvent aller à cet endroit-là pour invoquer Allah, pour faire des actes d'adoration, ou pour demander quelque chose quand ils ont un besoin. Et c'est ça ce qui arrive actuellement, c'est ça ce qu'on a remarqué chez les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans les pays musulmans. Et c'est pour ça que l'islam a établi des règles et des lois à respecter en ce qui concerne les tombes et les cimetières. Hein. C'est-à-dire que dans l'islam, lorsque quelqu'un est mort, il est enterré dans un cimetière, le même que les autres, parmi les autres musulmans. Il n'est pas enterré à l'écart. Et il est enterré dans la tombe, il est enterré avec la même terre qu'on a utilisée pour creuser le trou de sa tombe. C'est-à-dire, on va pas utiliser une tombe, une terre différente ou autre chose que la terre qu'on a creusée, la terre qu'on a fait sortir pour creuser sa tombe. C'est-à-dire, on remplit le trou par la même terre. Pardon? C'est ça, on n'ajoute pas d'autres terres. Et « La yurfa anil ard illa qadra shidrin min al-turab » Donc, une fois que c'est terminé, on n'a pas le droit de faire dépasser la terre de la tombe plus que la hauteur d'une main environ, c'est-à-dire environ cette hauteur-là. Yarhamukallah. Donc, on n'a pas le droit de faire dépasser la hauteur de la terre plus que la hauteur d'une main environ. Et ça, c'est pour que les gens sachent que ça, c'est une tombe, pour pas marcher dessus, pour pas lui manquer de respect. Et on n'a pas le droit de construire par-dessus quelque chose, ou de mettre une pierre tombale, ou d'écrire quoi que ce soit dessus. وهكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. C'est comme ça qu'était la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم. Okay. نعم. كانت قبور الصحابة. La tombe des صحابة était la même chose à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Elles étaient toutes de cette façon-là. Et ça c'est l'exemple et la guidance de l'islam en ce qui concerne les tombes. On ne construit pas aucun bâtiment dessus. On n'écrit pas dessus. On ne les embellit pas. On ne fait pas des décorations dessus, on ne met pas du plâtre dessus, on ne les peinture pas avec du blanc ou avec de la chaux comme dans certains pays. Lorsqu'ils croient que c'est la tombe d'un wali ou d'un saint, hein, le sayyid, il la peinture en blanc ou des choses comme ça, ça tout ça c'est contraire à l'islam. Et pourquoi? Parce que ces choses-là sont devenues un moyen pour faire tomber les gens dans le shirk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu d'aller à travers les différentes régions, hein, et de niveler toutes les tombes qui étaient surélevées au-dessus du niveau de la terre. Donc lorsqu'il voyait une tombe qui était disons montée ou construite ou élevée, eh bien, il la rasait au niveau du sol. Et ça, c'est rapporté dans un hadith sahih, rapporté dans Sahih Muslim. Et donc, c'est ça la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Même si aujourd'hui, certaines de ces tombes-là sont devenues un patrimoine, ils disent ah, ça c'est un patrimoine historique, c'est des constructions qui ont été construites avec une belle architecture, il faut les préserver, etc., etc. Tout ça, c'est pas un prétexte pour les préserver, parce que c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on les détruise, ces tombes-là, qui sont surélevées, pour qu'elles soient comme toutes les autres tombes, au même niveau, hein, sur la terre. Et pour pas qu'elle attire le regard, pour pas qu'elle, disons, quand tu la vois, tu dis, ah, cette tombe-là est différente des autres. Pour pas qu'elle soit distinguable des autres. Parce que lorsqu'une tombe devient distinguable des autres, et comme on la remarque, eh ben, ça devient une fitna pour les gens. Et, فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي, si les tombes sont construites d'une façon qui respecte la charia, comme on l'a expliqué, mais dans ce cas-là, ça ne pose pas de fitna pour personne. Hein, mais si on construit par-dessus des choses, ou on les décore, ou on met du plâtre dessus, eh bien les gens vont se tourner vers elle, et puis c'est sûr qu'il va se produire des formes d'exagération. Et vous allez voir dans les cimetières, ils ont construit des grosses pierres tombales, et selon les concernant cela, selon aussi, la richesse de la famille, eh bien, plus ils sont riches, plus ils ont des grosses tombes. Hein. Et vous voyez ceux qu'ils considèrent comme étant des saints ou des saintes, vous allez voir leurs tombes et les mausolées qu'ils ont construits par-dessus, et vous voyez que les gens vont les visiter et ils ont des tombes très bien décorées. Et il y a même des heures de visite, hein, pour rentrer. Puis il y a des petites boîtes pour mettre de l'argent, pour les aumônes, et lorsque les gens veulent demander des faveurs à ces saints-là, ils vont à ces endroits-là, et voilà, comme ça. Voilà, tout ça, c'est des actes de shirk. Et ça, c'est les juifs et les chrétiens qui ont commencé ça, puis parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui ont suivi leur mauvais exemple, malheureusement, et ça s'est répandu partout dans le monde musulman maintenant. Donc le cheikh dit المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه بنية ولا لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى هذا هو هدي الإسلام في القبور وأن لا تهان القبور أيضا ولا تمتهن أو لا بل يحافظ عليها ولا فلا تهان ولا تداس صفه. Le cheikh il dit que le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que c'est pas permis de faire des actes d'adoration là où il y a une tombe. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith que le cheikh n'a pas mentionné ici, peut-être qu'il est mentionné dans un autre chapitre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire la prière dans nos maisons et de ne pas les rendre comme des cimetières. Sallu fi buyutikum. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن pardon oui c'est ça de faire la sunna quand tu rentres chez toi tu fais la sunna, une sunna quelques rak'at tu les fais à la maison et ça c'est yani dans le but de pas pour pas que ta maison devienne comme un cimetière ou comme une tombe parce que justement on n'a pas le droit de prier dans les cimetières. Donc ça c'est une autre preuve à ce sujet-là aussi. Et donc le cheikh dit on n'a pas le droit de prier dans les endroits où il y a des tombes, même s'il n'y a pas de construction dessus. Et on n'a pas le droit non plus de prendre ces endroits-là spécifiquement pour faire des doigts ou faire une salate ou faire des sacrifices d'animaux ou bien pour faire des vœux ou bien pour autre chose de ce genre. وإنما هدي الإسلام la guidance de l'islam qui est venue au sujet de la visite des tombes, c'est que on y va, on va visiter les tombes dans le but de faire des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah pardonne les morts, pour que Allah pardonne ceux qui sont morts parmi les musulmans et pour que Allah subhanahu wa ta'ala mette sa miséricorde sur ceux qui sont morts parmi les musulmans. Et non pas pour leur demander à eux, ceux qui sont morts, parce que eux sont morts, ils peuvent rien faire pour nous. Mais dans le but que nous, on demande à Allah pour eux qu'il les pardonne, que Allah les pardonne, que Allah leur mette la miséricorde sur eux, et aussi dans le but de se souvenir de la mort, dans le but de se souvenir de la mort et de méditer sur la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans un hadith. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها الآن زوروها يعني فإنها تذكركم الآخرة. Donc ça c'est un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit avant je vous avais interdit d'aller visiter les tombes, maintenant allez les visiter car elles vont vous rappeler de la mort et de l'au-delà. تذكركم بالموت أو الموت أو الآخرة. Donc, faire un doigt pour le mort, ouais, ouais, c'est ça la sunna. Yani, c'est-à-dire, tu fais un doigt pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et tout. Il y a un doigt même du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté au sujet. Du fait que lorsque tu vas visiter les cimetières, il y a un doua à faire spécial. Je pense que c'est Assalamu alaikum Ahl al-Diyar, min antum sabiqou wa nahna lahiqou, na'am. Oui, c'est ça, lorsque tu rentres. C'est ça, lorsque tu rentres. Donc, il y a ce doua-là qu'on peut faire, mais là, je ne me souviens plus exactement tout le doua au complet. Mais bon, ça, il y a ça. Aussi, donc, pour se souvenir de la mort. Ça, on va y venir, Inch'Allah. Il y a un hadith qui est mentionné là-dessus, Inch'Allah. وَهَذَا هُوَ هَدْيُ الْإِسْلَامِ فِي الْقُبُورِ. Ça, c'est la guidance de l'islam au sujet des tombes. Et on n'a pas le droit non plus de manquer de respect aux tombes, de les piétiner ou de les dénigrer ou des choses de ce genre. Donc il faut les préserver et leur montrer du respect. فهج الإسلام وسط بين إفراط وتفريط وبين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها يحافظ عليها أو نعم يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو فيها. هج الإسلام هو وسط في كل شيء والحمد لله، لأن من الناس من يمتهن القبور ويبني عليها المساكن ويجعلها محلا للقمامات والقاذورات ويدس الأقدام أو بدوس الأقدام عليها أو مرور الحيوانات عليها ويقضون حوائجهم ويبولون عليها وهذا حرام لا يقره الإسلام. شيخ ذكر la guidance de l'islam au sujet des tombes, c'est entre les deux extrêmes, entre ceux qui leur manquent de respect et ceux qui exagèrent à leur sujet. Et le cheikh, il dit que dans l'islam, il y a le juste milieu à tous les points et sur tous les sujets. Il y a des gens aujourd'hui, c'est ça ce que le cheikh explique, il y a des gens qui exagèrent et qui manquent de respect aux tombes. Ils les transforment en maisons pour les pauvres. Hein, comme j'ai expliqué hier, dans certains pays, comme en Égypte, les cimetières, les pauvres sont rentrés pour habiter dedans, et ils ont même rentré l'électricité là-dedans et tout. Donc, ils ont pris comme des maisons, parce que les tombes sont comme des villes, ils ont construit des dômes et tout par-dessus, et les gens sont entrés parce qu'ils sont pauvres, ils sont allés habiter là-bas. Donc ça c'est haram. Et la même chose aussi, de prendre les tombes pour des endroits comme des dépotoirs, pour aller jeter les déchets et les poubelles. Hein, il y a des endroits où, même il y a des frères qui m'ont mentionné ça une fois, que dans certains pays musulmans, il y a des tombes où les gens vont pour jeter leurs poubelles. Si je me souviens, c'était la tombe de l'imam Ibn al-Qayyim, je pense que c'était cette tombe-là, où les gens allaient jeter leurs poubelles en Syrie ou quelque chose comme ça. Si c'est pas la tombe de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est la tombe de Bilal Ibn Rabah ou quelque chose comme ça. Donc, Allahu a'lam, des fois c'est des chiites qui détestent certaines personnes, certains parmi les sahaba, alors pour se venger, ils manquent de respect envers les tombes de certains parmi les sahaba. Et l'imam la tombe de l'imam Ibn al-Qayyim, d'après si je me souviens bien, elle est sur un trottoir, en plein milieu du trottoir, à l'écart du cimetière. Donc les gens ils marchent sur le trottoir puis ils passent à côté de sa tombe. Donc c'est des exemples de manque de respect. Le chef il dit ça c'est pas correct. Et il y en a qui prennent les tombes même pour des endroits pour marcher avec leurs animaux. Ou bien même ils vont uriner à ces endroits-là et faire leurs besoins à ces endroits-là. Et ça c'est, bien entendu, c'est totalement haram dans l'islam. Et ça c'est quelque chose que l'islam n'accepte pas. Des choses de ce genre. Donc on n'exagère pas, on n'exagère pas au sujet des tombes pour les adorer ou aller à prier ou faire des actes d'adoration auprès des tombes, et non plus on ne manque pas de respect aux tombes, on doit garder un certain respect. والمسألة الثالثة فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد كما حصل لقوم نوح. Le cheikh il dit qu'il y a aussi la preuve de l'interdiction, comme troisième point, la preuve de l'interdiction de mettre des statues ou des images et de les afficher, de les établir dans les endroits où il y a les tombes ou ailleurs, parce que ça c'est un moyen qui font tomber les gens dans l'idolâtrie à la longue, dans le shirk. Et donc à cause de ça c'est interdit de mettre des images ou des statues. Oui, bien sûr, les images et les statues des objets qui ont une âme, comme les animaux ou les êtres humains, ça c'est haram, d'accord. Mais si tu fais une statue ou une sculpture d'un arbre ou d'une voiture ou quelque chose qui n'a pas d'âme, ça c'est correct, tu peux le faire, d'accord. Après le cheikh il dit المسألة الرابعة فيه دليل على أن النية الصالحة لا تصور العمل السيئ فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيرا وفيه تذكرا لأحوال هؤلاء الصالحين أو إكراما للصالحين كما يقولون أو تخليدا لذكراهم فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا فإن هذا العمل غير مشروع لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. Le Cheikh il dit ici comme quatrième point que il y a dans ce hadith là la preuve que l'intention, la bonne intention n'est pas suffisante pour justifier une action. C'est-à-dire que le fait que ton action est basée sur une bonne intention, ça ne justifie pas ou ça ne rend pas cette action-là acceptable. Ce n'est pas suffisant d'avoir une bonne intention pour que l'action devienne bonne. D'accord? Et ça, il y a beaucoup de gens qui se mélangent à ce point-là. Ils se disent « Non, mais moi j'avais une bonne intention. » Oui, d'accord, tu avais une bonne intention. Sauf que l'action elle-même, elle n'est pas acceptable, elle n'est pas bonne. Allah ne l'a pas permis. Donc, peu importe que tu aies une bonne intention ou non, l'action en elle-même est rejetée. D'accord? Bien sûr, si c'est haram. Et le cheikh, il dit donc, les hommes pieux, lorsque les gens qui ont construit les statues, ou les images de ces hommes pieux-là, leur intention, quand ils ont fait ces statues-là, c'était une bonne intention. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas les adorer. Leur intention, c'était pas de dire, on va les prendre comme des intermédiaires entre nous et Allah, puis on va les adorer. Leur intention, c'était uniquement de dire, quand on va voir ces statues-là, ça va nous rappeler le bien que ces hommes-là ont fait. Puis ça va nous donner le goût de leur ressembler puis de les imiter dans le bien. Donc ça, à l'origine, c'était une bonne intention. Toutefois, à la longue, ça les a fait tomber dans le shirk. Hein, comme c'est arrivé à l'époque de Nuh. Et c'est comme ça que le shirk est entré dans l'humanité. Donc, pour éviter ça, parce que l'islam est venu pour bloquer et fermer toutes les portes vers le shirk, et donc on nous a interdit même de faire ça, même si c'était pour une bonne intention de construire des statues ou de faire ces images-là, même si c'était pas pour une bonne intention. المسألة الخامسة فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وهذا لعن على العموم فلعن المعين فيه خلاف. Le Cheikh il dit dans ce verset-là, dans ce hadith-là, il y a la preuve qu'il est permis d'envoyer la malédiction d'Allah sur les kuffars et les gens qui font des kabair d'une façon générale. Parce que dans ce hadith-là, le prophète a dit « La'natullahi ala al-yahudi wal-nasara », c'est-à-dire il a invoqué la malédiction sur les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Donc ça prouve qu'on a le droit d'invoquer la malédiction d'Allah sur des groupes en général. Hein? Comme le prophète dans plusieurs hadiths, il le fait. « La'natullahi ala al-yahudi wal-nasara »« La'natullahi ala » لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهين بالرجال من النساء ولعنة الله لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وبالحديث يزي صنفان من أمتي لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. Donc il y a des hadiths comme ça qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit certaines catégories de personnes ou certains groupes en général. Donc ça c'est la preuve que c'est permis de le faire. Toutefois, on n'a pas le droit, ou bien il y a une différence d'opinion entre les ulama sur le fait d'envoyer la malédiction d'Allah sur un individu en particulier. Et l'opinion qui est correcte, Wallahu a'lam, c'est que c'est interdit d'envoyer la malédiction d'Allah sur un individu en particulier. Sauf que, d'une façon générale, des groupes généraux qui ont été maudits par Allah et par le messager, on a le droit de le faire.

que celui qui essaie de créer comme ce que j'ai créé. Ok? Et le chef, il parle de ceux qui font des, il dit que ça concerne ceux qui essaient de faire des représentations et des images de ce qui a une âme, comme les êtres humains et les animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala lance un défi à ceux qui font les images et les représentations, hein, les statues ou les images et autres, les dessins, qui font des dessins d'êtres humains ou d'animaux. Il dit qu'ils créent une graine, hein, que ce soit une graine, il y en a de blé ou de, comment ça s'appelle, charir en français, l'orge, exact, une graine d'orge. Hein, c'est-à-dire, comme si, est-ce qu'ils essaient de créer quelque chose comme ça, ils ne sont même pas capables. Et donc, c'est pour dire comment ils peuvent essayer de faire, d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça prouve que ceux qui font des images et des représentations humaines ou animales sont les pires créatures. Et il dit, ça, c'est peu importe qu'ils font des représentations, par des statues, hein, en sculptant ou en faisant des statues. Peu importe qu'ils le font, qu'ils fassent des représentations au dessin, soit au pinceau, ou au stylo, ou à la plume, ou autre, ou bien qu'ils fassent des représentations ou des images avec des appareils photographiques. Et j'ai souri parce que le mot photographie, à la façon que ça s'écrit en arabe, c'est ça ce qui m'a fait rire. Et le cheikh il dit tout ça, ça rentre dans la menace et l'interdiction. Et le cheikh il dit, ceux-là sont les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, celui qui essaie de faire, de dire que les photos prises par une caméra n'entrent pas dans l'interdiction des images, n'a aucune preuve. N'a aucune preuve pour exclure ce genre de photos-là de l'interdiction. Et là, ibrata biqawli, c'est-à-dire celui qui dit ça, il n'a aucun, on ne doit même pas le prendre en considération, yani, qui essaie de distinguer, pour dire que, non, les photos faites à la main, ça c'est haram, mais les photos faites par un appareil, ça c'est permis. Ça, il n'y a pas de preuve pour ça. Et il n'y a pas de moyen de distinguer entre les deux, en réalité. Parce que le résultat des deux, ça amène à la même chose. Moi, quand j'ai vu, par exemple, des mourides, par exemple, j'ai vu des Sénégalais, des frères du Sénégal, qui suivent une tariqa qu'on appelle al-mouridiyya, ok? Puis il y en a d'autres aussi, d'autres turuq, même j'ai vu des Naqshbandiya qui faisaient ça aussi et d'autres. Ils se promènent avec la photo de leur cheikh sur eux, toujours, dans leur portefeuille, et même j'en ai vu avec des photos de leur cheikh accrochées dans leur cou. Et quand ils marchent partout, ils auront avec eux la photo de leur cheikh. Et il y en a un même, une fois j'étais à Mecca, il est venu pour faire le Hajj, il vient du Sénégal, et dans son portefeuille, ils m'ont montré, il a dit, regarde, ça c'est mon cheikh, et là ils m'ont montré la photo de son cheikh. Hein. Et une fois j'étais dans un magasin ici à Montréal, puis il y avait une petite librairie, puis dans cette librairie, il y avait des photos, et j'ai demandé au propriétaire de cette librairie, mais c'est qui sont ces photos-là, qui sont ces gens-là sur ces photos-là. Et à l'époque, moi j'étais nouveau dans l'islam, ça faisait peut-être même pas un an que j'étais converti, et je demandais, qu'est-ce que c'est ces photos-là? Comment ça se fait que vous avez des photos? C'est haram dans l'islam de faire des photos. Il m'a dit, non, ça c'est les photos de mon cheikh, et puis il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre encore, t'as pas encore appris, et un jour tu vas apprendre. J'ai dit, ok. Et là il était tard, et puis il m'a offert de m'accompagner au métro, de m'amener dans sa voiture pour aller au métro. Donc quand je suis monté dans sa voiture, j'ai trouvé la même photo qui était à l'intérieur du magasin, en avant de la voiture, c'est-à-dire sur le tableau de bord, à côté du tableau de bord. Donc, j'ai dit, mais encore cette photo que tu mets dans la voiture? Il me dit, ouais, mais c'est, tu comprends pas, c'est parce qu'il faut toujours rester en lien et en contact avec le chef. Et donc, là j'ai dit ça, c'est moi je suis pas d'accord avec ces choses-là. Il dit, attends, fais attention, hein. Il dit, fais attention. Donc, il me menaçait, là. Donc c'est pour dire, je me suis dit, bon, si c'était une photo faite avec la main, là ce serait pas bien, mais là, une caméra c'est bien, mais pourtant le résultat c'est le même. Les gens tombent dans le shirk, même avec des photos faites avec des caméras. Est-ce que c'est une représentation humaine? Exactement. Même une photo faite à caméra, c'est encore plus clair. Donc c'est encore plus dangereux parfois qu'une photo faite à la main ou au pinceau, des choses comme ça. Cheikh il dit « Al-mas'alatu al-tasi'a » في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد. ونبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Le neuvième point, c'est que dans ce hadith-là, il y a la preuve qu'il est obligatoire de donner une importance primordiale aux questions qui sont reliées à la croyance dans l'islam, et qu'il faut inviter les gens à la bonne croyance avant toute chose, avant toute autre chose dans la religion. Et on commence par corriger la croyance des gens avant de corriger les autres aspects de la vie. Et ça, c'est la voie des prophètes et des messagers. Donc ça veut dire que avant de commencer de parler des problèmes économiques, des problèmes politiques, de commencer de parler des péchés et des obligations comme le wudu, le hajj, la prière. Si quelqu'un, tu le vois en train de faire le shirk, en train d'adorer autre que Allah, tu lui parles pas de la salat, tu lui parles pas du wudu, tu lui parles pas de zakat, tu lui parles pas de politique, tu lui parles pas d'économie. Parce que si il meurt et qu'il a compris l'économie et qu'il a compris la politique et qu'il a fait le wudu et qu'il a fait le hajj, mais qu'il était en train de faire le shirk, il n'a aucune chance de rentrer au paradis parce qu'il est mort sur le shirk. Toutefois, s'il meurt et qu'il a compris le tawhid et qu'il s'est écarté du shirk, hein, mais il n'a pas compris l'économie, il n'a pas compris la politique, il n'a pas compris tous les détails de la religion, mais il est mort sur le tawhid, eh bien, inshallah, il aura une chance quand même d'avoir la miséricorde d'Allah, si sa croyance était bonne. D'accord? Donc ça veut dire, quand tu vois quelqu'un en train de faire le shirk, première chose que tu fais, c'est corriger ça. Corriger les affaires et les aspects qui ont rapport avec l'aqida et le fondement en premier, les bases de la croyance. Puis, ainsi de suite. Hein? Si tu vois par exemple que quelqu'un c'est un musulman, il a compris le tawhid, mais il a certaines idées qui sont en opposition avec le tawhid dans sa compréhension, mais tu corriges ces points-là aussi. Concentre sur le plus important. Pourtant, il y en a parmi les musulmans aujourd'hui, malheureusement, pour eux, la croyance, c'est un détail insignifiant. L'important, c'est le reste. Et ça, c'est un signe que ces gens-là ont une très mauvaise compréhension de la religion. Le cheikh, il dit ensuite, « Al-mas'alatul ashira » C'est le hadith d'Alim ala kamal shirsihi, sallallahu alayhi wa sallam, ala ummatihi. ونصيحته لأمته وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، بل في حالة حرجة وهي حالة الاحتضار. الشيخ يزيك on a aussi dans ce hadith là la preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم avait un désir ardent d'amener les gens à la guidance et au droit chemin. Il avait vraiment un intérêt très très très prononcé pour montrer à sa umma le bien et leur indiquer le bien et leur donner le bon conseil, et qu'il a transmis le message de l'islam jusqu'au dernier moment de sa vie, même lorsqu'il était en train d'attendre la mort, il a continué à indiquer aux gens le bien et le droit chemin. Ensuite, le cheikh dit al-mas'alatul hadiya ashar, c'est le dernier point. Le cheikh dit fihi dalilun ala bayan al-hikma min dafnihi sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi wa adam dafnihi fi al-maqbara al-amma, wa in kanat wa anna dhalika li ajli al-hifaz ala al-aqidati aw ala aqidati al-muslimin min al-ghulu fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam. وأن يفعل عند قبره كما يفعل عند قبور الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل، هذا هو بيان الحكمة. وهذا فيه بيان الإشكال الذي لا يزال يتردد عند بعض الناس، يقولون إن المسجد أو إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبني على القبر، فهذا دليل على جواز البناء على القبور بزعمهم. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته خارج المسجد والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجدا فالبيت منفرد عن المسجد وفي معزل عن المسجد وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد عمم التوسعة من جهة المشرق فأدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بهذا ولم يكن هذا بمشورة أو بمشورة أهل العلم وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم ولكن مع هذا فالبيت لا تزال على شكله وحياذته والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله وما يحصل من الناس الجهال إنما يكون في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عند القبر لأن القبر بعيد عنهم ومصون عنهم لا يرونه ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد استجاب الله دعاءه فصانه في بيته صلى الله عليه وسلم Donc le 11e point c'est le dernier et c'est très important il y a dedans la preuve de la sagesse d'avoir enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison et de ne pas l'avoir enterré dans le cimetière avec les autres sahaba pour préserver la aqida des musulmans contre l'extrémisme et l'exagération au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les gens ont fait à la tombe des prophètes des gens de Bani Israël hein, les prophètes parmi les prophètes des gens du livre ils ont exagéré à leur tombe et ils ont construit des bâtiments dessus et ils ont pris ces endroits-là comme des lieux d'adoration. Donc il y a la preuve que ça c'était la sagesse derrière le fait qu'il soit enterré dans la maison. Et il y a aussi la réponse à une question que les gens répètent constamment. Ils disent pourquoi vous dites que c'est interdit de construire des bâtiments ou des monuments sur les tombes alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lui-même disons alors que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été construite sur la tombe hein et le cheikh il dit ça c'est ce qu'il croit il croit qu'il y a la preuve et même une fois j'ai eu un argument ou une discussion avec des soufis et comme argument parce que dans par exemple au Sénégal à Touba les mourides ils ont enterré leur cheikh dans la mosquée dans une grande mosquée là-bas et je leur disais que ça c'est interdit et là comme argument ils me disent ouais mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est enterré dans la mosquée Al-Madina donc le cheikh il dit non ça c'est pas un argument parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été enterré dans sa mosquée et il a été enterré à l'extérieur de la mosquée, dans sa maison. Et la raison de ça et la sagesse de ça, elle a été mentionnée par Aïcha elle-même, radiallahu anha, c'est qu'on craignait que les gens prennent sa tombe comme un lieu d'adoration. Alors, la maison était à l'extérieur de la mosquée, loin de la mosquée. Et on a introduit par la suite, la maison a été incorporée à la mosquée par la suite, après la période des quatre premiers califes de l'islam. C'est-à-dire, ça a été fait, ça, bien longtemps après, durant la période de Al-Walid ibn Abdul Malik. Si je me trompe pas, c'est ce qu'il dit, le cheikh. Donc, durant la période de Al-Walid ibn Abdul Malik, il a voulu agrandir la mosquée, il l'a agrandie vers l'est, et il a incorporé la maison à l'intérieur de la mosquée. Mais quand il a fait ça, il n'a pas demandé le conseil et la consultation des ulama. Il l'a fait et c'était sa décision personnelle qu'il a imposée par la force, sans avoir consulté personne. Et donc, il n'y a pas de preuve dans ce geste-là et dans cet acte-là pour avoir construit ou enterré un homme pieux à l'intérieur d'une mosquée ou construit une mosquée sur la tombe d'un homme pieux. Donc ça c'est la preuve et c'est la réponse à cette question que ces gens-là pose constamment. Pourquoi vous dites que c'est pas permis alors que à Médine la mosquée est sur la tombe? On dit non, c'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans sa mosquée. Et la mosquée n'a pas été construite sur sa tombe. Mais quand on a agrandi, quand ils ont agrandi la mosquée, bien longtemps après la mort des quatre Khulafa Rashidin, hein, Al-Walid ibn Abdul Malik, il a fait ça, mais c'est pas quelque chose qu'il a fait en consultant les ulama, il l'a fait de son propre chef. Et malgré ça, malgré que maintenant la maison est incorporée à la mosquée, malgré ça, il n'y a pas de voie pour ceux parmi les ignorants qui voudraient essayer de faire des adorations pour sa tombe, hein, parce qu'on a bloqué toutes les voies. Et même aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des gardiens qui sont devant la maison pour empêcher toute personne qui voudrait essayer de faire des doigts en direction de la tombe ou des choses de ce genre, pour éviter toute forme d'extrémisme et d'exagération au sujet de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le doigt à Allah en demandant « Oh Allah, fais que ma tombe ne devienne pas une idole que les gens vont adorer. » Et Allah a répondu à ce doigt-là. Walaykum salam wa rahmatullah. Donc on va s'arrêter ici et puis on continuera إن شاء الله لا سمين فشان بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه نعم